Psaume 146. Louez l'Éternel. Mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel durant ma vie, je psalmodierai à mon Dieu tant que je vivrai. Ne vous assurez point sur les principaux d'entre les peuples, ni sur aucun fils d'homme, à qui il n'appartient point de délivrer. Son esprit sort, et l'homme retourne en sa terre, et en ce jour-là ses desseins périssent. Oh, que bienheureux est celui à qui le Dieu fort de Jacob est en aide, et dont l'attente est en l'Éternel, son Dieu, qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui y est, et qui garde la vérité à toujours, qui fait droit à ceux à qui ont fait tort, et qui donne du pain à ceux qui ont faim. L'Éternel délie ceux qui sont liés, l'Éternel ouvre les yeux aux aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel garde les étrangers, il maintient l'orphelin et la veuve, et renverse le train des méchants. L'Éternel régnera toujours. Ô Sion, ton Dieu est d'âge en âge. Louez l'Éternel.